36 rue aux Fleurs. Enfin libérée du pensionnat, Faustine prend ses marques à Ohain. La maisonnette de plain-pied est entourée d'un jardin dont une partie est laissée à l'abandon. Papa n'aime pas tondre, maman non plus. Un immense buisson peut servir de tipi. Un trou rempli d'eau fait office de piscine municipale. À l'arrière du pavillon, les parents ont fait installer un portique à deux balançoires. Les rares fois où la pelouse est tondue, les enfants entassent l'herbe sous ce dernier, puis s'amusent à monter le plus haut possible avant de sauter dans le foin. Juste en face de chez eux, il y a un champ de 700 ou 800 mètres carrés où pèsent quelques vaches. Un soir, le paysan est venu les traire sur place, et aux enfants curieux, il a offert de goûter le lait tiède et mousseux directement depuis le seau. Bien sûr, maman n'a pas apprécié et a interdit de recommencer. Quelle horreur, du lait non stérilisé! De l'autre côté de la rue vit un retraité qui élève des pigeons voyageurs. Certains de ces oiseaux ont gagné des concours importants, dit papa, qui a eu l'occasion de discuter avec lui. Et Faustine en apprend long sur ces volatiles. Leur rôle de messager pendant la guerre, leur extrême endurance, leur sens de l'orientation imbattable, et leur dévouement. Le vieux monsieur prétend que ces pigeons ne se perdaient jamais. Faustine rêve d'un amoureux qui lui enverrait des billets doux par pigeon voyageur. Ne serait-ce pas terriblement romantique? Faustine aime de plus en plus la lecture. La nouvelle bibliothèque dans laquelle elle s'est inscrite se trouve dans la petite ville voisine de La Hulpe. Encore un drôle de nom, bien poétique, comme seuls les Belges savent en donner. Depuis chez elle, elle remonte sur l'avenue Reine Astrid et parcourt environ 3 kilomètres. Au croisement de la rue de la prison, elle dépasse l'imposant bâtiment, est-ce un ancien pénitencier, qu'on aperçoit depuis chez eux. Ses parents l'ont surnommée la maison fantôme, tant elle a l'air fantastique vue de loin, quand il y a du brouillard. Hélas, la bâtisse est protégée par plusieurs dogues allemands féroces qui terrorisent Faustine en secouant le grillage et aboyant tout ce qu'ils peuvent. Impossible de passer ailleurs. Il n'y a pas d'autre chemin, et les voitures, nombreuses, filent à toute vitesse. Heureusement, à la bibliothèque, l'accueil est plus sympathique, et la fillette est invitée à choisir autant de livres qu'elle le souhaite, enfin, qu'elle peut porter. À 11 ans et demi passés, elle en est à Angélique, marquise des Anges. Elle aime bien aussi les livres de Juliette Benzoni, conseillée par maman. Bientôt, elle passera à des lectures plus substantielles. Hugo, Balzac, Zola, Bazin, ou encore Perlbeuk. L'autre jour, à midi, maman les a tous fait rire avec les dernières reparties de la nouvelle femme de ménage. Elle s'appelle Astrid et vient travailler quelques heures par semaine. Quand maman est là, Astrid lui apprend le belge. Et c'est ainsi que les loc à relocté, la pape, ça goûte bien, ça, sais-tu, je sais pas faire, traduire je ne peux pas, ou encore à tantôt, viennent progressivement enrichir le vocabulaire familial. Par ailleurs, maman est contente de connaître l'allemand et le suisse allemand. Ne pas confondre, car les deux idiomes lui sont bien utiles quand ses interlocuteurs ne s'expriment qu'en flamand. Pendant les premières semaines de juillet, Faustine et Stéphane sont placés en pension de jour chez Mademoiselle Heck, une institutrice laïque de l'école Saint-Ferdinand. Cette année, elle accueille également une jeune fille au pair prénommée Béatrice. Papa et maman déposent les enfants en partant travailler le matin et les récupèrent le soir. Chez Mademoiselle Heck, il y a un jardin potager, un petit bassin à poisson rouge sans locataire et un minuscule chien gentil. En plus de la jeune fille au pair. C'est là que Faustine apprend à couper et à fondre une tige de rhubarbe, à remplir de sucre la gouttière du milieu avant de la déguster. Elle cueille aussi les autres petits fruits, fraises et groseilles à maquereau, en faisant gaffe de ne pas se piquer les doigts. Le reste du temps, les deux gamins se promènent avec Béatrice, espérant inciter la jeune fille à dépenser ses sous en friandises. Béatrice est danoise. Elle fait mine de ne pas comprendre le duo terrible. Mais personne n'est dupe. Mademoiselle Heck fait bien la cuisine et les gamins sont gâtés. Souvent, elle leur concocte sa spécialité. un gâteau composé de petits beurres fourrés et enrobés d'une succulente crème au café. Après le repas, Faustine et Stéphane sont fermement encouragés à se reposer dans la chambre de la vieille demoiselle. Ils obtempèrent à contre-cœur, jusqu'au jour où ils découvrent, cachés dans une commode, des paquets de biscuits très intéressants. Dès lors, la sieste devient un moment de chasse au trésor passionnant. Il consiste à découper délicatement l'extrémité des cartons, à les vider soigneusement de leur contenu, à replacer enfin les emballages dans l'autre sens. Ni vu ni connu, je t'embrouille, et c'est bien bon tout ça, même quand on n'a plus faim. 2 semaines plus tard, l'été vient à peine de débuter, que Faustine ne se sent pas bien du tout. Ce n'est pas forcément dû à ses récentes orgies de biscuits. Elle a de la fièvre tous les jours pendant 1 semaine, au point que ses parents font venir le docteur. Un vieux médecin de campagne aux dents toutes jaunes, qui pue le tabac et le vin rouge et qui, malgré toutes ses qualités, ne comprend pas ce qu'elle a. 10 jours passent et la fièvre ne baisse pas. La fillette ne souffre pas autrement, ne se plaint de rien. Finalement, le toubib soupçonne l'appendicite et ordonne le transport à l'hôpital avant de risquer la péritonite. Papa emballe Faustine dans une couverture et l'amène Fissa à Bruxelles, dans une immense usine à soigner les malades. Faustine s'en fiche, on s'occupe d'elle. Elle ne peut s'empêcher de ressentir un sentiment de triomphe. On la prend au sérieux, on s'inquiète. Peut-être qu'on l'aime ? Pour un peu, elle rirait aux éclats de soulagement, mais elle n'ose pas de peur de se gâcher l'instant. Au moment de la confier au soignant, papa l'embrasse tendrement. « N'aie pas peur, tout va bien se passer, » murmure-t-il en souriant. Il fait presque nuit. Une infirmière conduit immédiatement la fillette à sa chambre. En principe, on l'opérera après-demain. Elle a pris des livres avec elle. C'est une bonne idée. Il y a 2 lits dans la chambre. Dans le second somnole une très vieille dame. Elle ouvre les yeux en voyant sa nouvelle voisine arriver. Tout de suite, elle s'adresse à la petite et lui demande d'ouvrir la fenêtre et de prendre derrière, sur le rebord, une portion de fromage qu'elle y a posée. Faustine s'exécute. La vieillarde ouvre délicatement le papier. Dans sa table de nuit, elle prend 2 pistolets, les tartines d'un brie extraordinairement moelleux, en présente un à sa voisine. Faustine, curieuse, goûte. Elle n'a jamais rien mangé de tel. Heureuse d'avoir rencontré une nouvelle amie et malgré son appréhension à l'idée de l'opération qui l'attend, elle s'endort, confiante, dans ce décor lugubre. Le lendemain matin, très tôt, l'aide-soignante lui apporte son petit déjeuner qu'elle pose sur une tablette devant elle, dans son lit. Tout est nouveau. Tout est intéressant. La forme des minuscules pots de confiture, le gobelet du cacao, le pain, le morceau de fromage. Elle comprend d'où sa voisine a gardé le sien. Elle a beaucoup trop, bien sûr, et s'empresse d'offrir le surplus à la petite mamie qui lui demande de poser tout cela sur le rebord de la fenêtre. Faustine et sa camarade ne sont pas les seules à encombrer la façade. Celle-ci donne sur une cour intérieure. Monde fascinant dont on perçoit les échos étouffés. Derrière les rideaux, des silhouettes fantomatiques se meuvent devant les gisants, induisant une impression de mystère, d'intimité. Faustine constate que l'hôpital est une petite ville, un monde à part que les visiteurs bien portants dérangent plus qu'autre chose. Est-ce parce qu'il y a autant de médecins et d'infirmières au mètre carré? Elle s'y sent bien, en sécurité. Dès qu'elle a mangé et achevé une toilette sommaire, Faustine, toujours fiévreuse mais non languide, amorce le tour du propriétaire. En face de sa chambre, il y a un comptoir d'accueil où se tiennent les infirmières et une secrétaire. Plus loin, dans le couloir, se trouve une salle de jeu. La gamine comprend qu'elle badinaude à l'étage des enfants. Mais alors, pourquoi la vieille dame dans le lit d'à côté? Encore plus loin, elle découvre une très grande chambre avec 5 ou 6 enfants bizarres. Un de ces petits a une tête énorme. L'infirmière explique à Faustine que l'enfant est hydrocéphale, ce qui signifie qu'il souffre d'une accumulation de liquide dans le cerveau. Un autre nourrisson n'a pas de bras. Son voisin a une drôle de déformation entre le nez et la bouche. Faustine continue sa tournée jusqu'aux ascenseurs. Mais là, elle se fait rattraper par une infirmière qui lui demande gentiment de rejoindre son lit. Le médecin arrive bientôt, entouré de plusieurs apprentis médecins, et examine la fillette. « Aïe !» fait-elle quand il lui appuie sur le ventre, confirmant ainsi le diagnostic. Devant sa cour attentive, le carabin proclame « On opère demain !» Le lendemain matin, pas de petit déjeuner. Faustine est tout de suite conduite au sous-sol, en salle d'opération. Elle est couchée sur la table. Une infirmière la badigeonne sur toute la surface du ventre avec un produit jaune-orange. Elle la rassure, la fait rire avec des histoires drôles. Faustine n'a le temps d'avoir peur que pendant quelques secondes, entre la pose du masque et le moment où elle s'endort. Elle n'a même pas compté jusqu'à 10. Au réveil, la gamine est dans les nuages, comme si elle avait dormi très, très longtemps. Elle n'a mal nulle part et elle a très faim. On la remonte dans sa chambre où l'attendent papa, maman et Stéphane. Ils lui ont apporté d'autres livres et son matériel de coloriage. Le docteur fait une courte apparition, annonce que tout s'est bien passé et que la petite pourra sortir dans 8 jours, dès qu'on aura ôté les agrafes. Papa et maman restent encore un moment, puis ils embrassent Faustine et s'en vont. Papa viendra rechercher la fillette, quand elle sera dégrafée, dit-il en riant. Faustine reste seule et s'organise. Lecture, coloriage, mais aussi promenade avec les enfants malades le long des couloirs. Elle embrigade le garçon à la grosse tête et le promène de long en large sur un petit chariot. Puis elle essaye de s'occuper des autres enfants qui peuvent bouger ou au moins écouter les histoires qu'elle leur lit. Côté infirmière et infirmier, c'est assez sympa aussi. Faustine se fait vite quelques amis qui l'invitent dans le restaurant des internes à l'étage au-dessus. Elle les distrait avec sa joie de vivre des lamentations qu'ils subissent en permanence. Et elle les fait rire avec des expressions bien de chez elle. Elle rougit de honte quand un interne lui demande si c'est vrai qu'à Bâle, où elle se vante d'être née, on creuse beaucoup de trous. D'autres internes lui offrent des mini-salières et poivriers qu'ils reçoivent avec chaque repas, ainsi que des échantillons divers de pommades, de pansements, médicaments et autres onguents et matériels. Faustine collecte tout ce qu'elle peut et se constitue un important trésor. Elle a réussi à obtenir plusieurs seringues, sans les aiguilles, bien évidemment. Un soir, une infirmière l'invite au cinéma. On projette les 12 salopards dans la salle de repos des toubibs. La mouflette explose de joie, même si le film auquel elle ne comprend rien, mis à part les feux d'artifice de la fin, la déçoit profondément. Elle est là, avec des adultes, on s'occupe d'elle, elle boit du petit lait. Enfin, au matin du 8e jour, le docteur vient lui ôter les agrafes. C'est la seule chose qui fait un peu mal. La douillette ne se prive pas de le manifester bruyamment, avant d'admirer sa cicatrice qui est vraiment très mignonne. Après quoi, elle prépare ses affaires. Commence alors une longue attente jusqu'à ce qu'on vienne enfin la chercher. Pendant tout le chemin du retour, elle pérore sans discontinuité et raconte ses aventures à papa. Puis elle retrouve la petite maison d'Ohain, maman, Stéphane, sa chambre, son lit et ses livres. Le lendemain samedi, papa et maman s'en vont au supermarché de Braine-l'Alleud, laissant la convalescente se reposer tranquillement. Dès qu'elle n'entend plus le moteur de la Peugeot, Faustine saute de son lit et sort ses précieux échantillons. Elle va bien s'amuser à concocter toutes sortes de mélanges. Après avoir obtenu une jolie pâte d'un bleu soutenu, elle a l'idée lumineuse de la liquéfier avec du vinaigre, prélevé dans l'épicerie de la cuisine. À son grand effarement, le mélange se met soudain à bouillonner, puis mousser, mousser, mousser. Il déborde du lavabo sur le carrelage de la salle de bain, envahit tout. Faustine patauge, rince, nettoie, essaye de se débarrasser de cette mousse tenace. Plus elle en fait, plus il y en a. L'heure tourne, il faut réagir vite, les parents seront là d'une minute à l'autre. Au bord de la panique, l'apprentie sorcière jure, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendra plus.